où je ne peux planter mon blé. On m'a dit lequel, il fait chaud en été. On est en plein hiver, il fait 35 degrés. Les maisons sont triangulaires et y a pas de cheminée. Que sont ces drôles de bovins? Ils ont un drôle d'air. J'ai demandé à un gars du coin, il m'a dit c'est un dromadaire. J'ai fait tous les bars au loin et y a pas une seule bière, même pas un peu de vin. Mais comment ils se désaltèrent? En pays vert, y'a que des oasis ici, ils sont où vos déserts. Je lui ai montré nos coutumes et nos traditions. Après quelques verres de prune, elle m'a dit ouais, je crois que là c'est bon. Elle m'a dit ouais, en plus la chasse c'est pas bien, les animaux ils ont trop souffert. De toute façon on touche jamais rien, allez repasse-moi la salaire. En rentrant à la maison, papier s'il vous plaît. Eh François, viens voir. Ok, allez, c'est dans le ballon. Par chance c'était GG.